Aurore venait de terminer son service et était en train de se changer dans le vestiaire des infirmières. Un peu inquiète, elle se demandait si Pascal allait mettre sa menace à exécution. Avec son caractère inflexible, c'était probable, d'autant plus que sa rencontre avec Julia l'avait vraiment secouée. Tout le dimanche, elles étaient restées entre filles, déclinant les invitations respectives de Georges et de Laurent. Pascal avait besoin de s'épancher et Aurore l'avait laissé parler. Longtemps, elle s'était promenée dans le parc de Pérols, désherbant distraitement les plates-bandes au passage, profitant du soleil printanier et ressassant l'histoire de Julia. La pendule du vestiaire indiquait 19h. C'était en principe le moment où Nadine Clément quittait l'hôpital. Si elle avait pu deviner ce qui l'attendait, peut-être aurait-elle été moins désagréable avec tout le monde. Aurore enfila son manteau et sortit. Son amitié pour Pascal ne l'avait évidemment pas rendue sympathique à Nadine, qui ne lui facilitait pas la vie dans le service, et à compter de ce soir, ce serait sans doute pire. Au cas où l'atmosphère deviendrait irrespirable, Aurore pourrait demander sa mutation, elle aussi. Retrouver Pascal à Albi était une idée séduisante, qui la rapprocherait de Pérols, mais l'éloignerait de Georges. Or, celui-ci posait de plus en plus souvent la question de cette distance qui les séparait, évoquant une éventuelle vie commune. Que faire ? Aurore était amoureuse de lui. Néanmoins, elle n'envisageait toujours pas de changer d'existence. Pourquoi faudrait-il qu'elle quitte cette envoûtante propriété de Pérols où elle se sentait si bien ? Abandonner ses fous rires complices et ses conversations débridées avec Pascal ? Renoncer au feu de cheminée de l'hiver ou au farniente sur la pelouse l'été ? Ne plus être réveillée par le chant des oiseaux ? Non, elle voulait rester indépendante, libre de décider chaque matin ce que serait sa journée, sa soirée, et pouvoir continuer à avoir rendez-vous avec l'homme de son cœur, plutôt que sombrer dans le quotidien. Seulement voilà, combien de temps Georges allait-il supporter ces dérobades ? Préoccupée, elle se dirigea vers les ascenseurs et vit trop tard Nadine Clément, qui attendait devant les portes métalliques, appuyant sans cesse sur le bouton d'appel. « Il est en panne ou quoi ?» lança-t-elle rageusement à Aurore. Au même instant, la cabine arriva enfin et Nadine s'y engouffra. « Vous venez, ma petite ?» Une appellation détestable, infligée à toutes les infirmières. Aurore la rejoignit à contre-cœur, peu décidée à être le témoin de ce qui allait suivre. Au rez-de-chaussée, dès que les portes s'ouvrirent, elle chercha Pascal du regard et l'aperçut, qui faisait nerveusement les 100 pas. « J'ai oublié quelque chose là-haut, » bredouilla-t-elle en reculant. Nadine leva les yeux au ciel et quitta l'ascenseur sans lui adresser un regard. Il y avait beaucoup de monde dans le hall. À cette heure-ci, les équipes de nuit prenaient la relève tandis que les médecins de jour et les visiteurs quittaient l'hôpital. Nadine aussi avait hâte de rentrer chez elle, pour souffler un peu. L'âge venant, elle supportait moins bien l'infernale cadence de travail qu'elle s'imposait et qu'elle exigeait des autres. Elle aurait déjà dû être à la retraite, mais elle ne voulait même pas y penser. « Madame Clément ?» Planté devant elle, Pascal Fontanelle lui barrait la route. « Il faut que je vous parle. » Nadine toisa Pascal des pieds à la tête, surprise et contrariée. Qu'est-ce que cette peste fabriquait à Purpan ? Elle venait chercher son amie Aurore ? Ah non, bien sûr, elle était là pour Villeneuve. Le bruit avait fait le tour de l'hôpital, de la ville tout entière. La petite Fontanelle était la maîtresse de Laurent Villeneuve. « À quel sujet ? Je suis pressée. »« C'est important. Mais nous ne devrions pas rester ici. »« Et où voulez-vous donc aller, docteur Fontanelle ?» railla Nadine. « Sortons. On trouvera bien un coin tranquille. » Le ton était glacial, avec une pointe d'agressivité qui intrigua Nadine, sans vraiment l'inquiéter. Dans son hôpital, personne ne lui montait jamais sur les pieds. « Allons-y à condition de faire vite !» concéda-t-elle en se dirigeant à grands pas vers la sortie. De manière incongrue, une ancienne réflexion de son père lui traversa soudain l'esprit. « Ne marche pas comme un hussard !» Elle réprima un sourire en songeant que, petite fille, elle fonçait déjà dans la vie, et ça lui avait réussi. « Ici, ce sera très bien !» dit Pascal derrière elle. « C'est pour vous que je cherche la discrétion, pas pour moi !» Nadine s'arrêta et fit volte-face. La moutarde commençait à lui monter au nez. Toutefois, quelque chose dans l'attitude de Pascal l'empêcha de s'insurger. Elle s'était un peu éloignée et se trouvait devant l'un des bâtiments administratifs, à l'écart du passage. « J'ai une histoire à vous raconter, Nadine. Une histoire dont vous ne connaissez pas la fin. Je vous appelle par votre prénom puisque nous sommes de proches parentes. » Nadine resta muette interloquée. Qui avait mis cette pimbèche au courant ? Comment avait-elle fait le rapprochement ? Des idées se bousculaient dans sa tête, tandis qu'elle fixait Pascal en silence. « J'ai rencontré votre frère Benjamin il y a quelques mois. Vous devez le savoir. Il y a tant de choses que vous saviez, contrairement à moi. » « Je ne tiens pas à entrer dans ces considérations, » réussit à dire Nadine avec fermeté. « Considérations ? Voyons, Nadine, je suis votre nièce, votre père était mon grand-père, ça me donne le droit d'évoquer la famille. Vous n'avez aucun droit, et j'en ai assez entendu. » Nadine esquissa un pas de côté, mais la main de Pascal se referma sur son bras. « Vous allez m'écouter. Ne faisons pas de scandale. » La détermination et le calme de la jeune femme commençait à alarmer Nadine. Relevant le menton, elle hésita puis lui fit signe de poursuivre. « C'était un véritable puzzle pour moi, » reprit Pascal, « que j'ai été obligée de reconstituer toute seule, car chez moi on ne parlait pas volontiers des Montag. Vous avez passé une grande partie de votre enfance avec ma mère, jusqu'à ce qu'elle soit envoyée en pension. À en juger par ce qui est arrivé ensuite, vous deviez la détester. Benjamin se contentait de ne pas la voir. Je suppose que votre autre frère aussi, mais vous et votre mère l'avez sûrement haï pour la traiter aussi mal. Des mauvais traitements ? Allons donc, ne dites pas de sottises. Camille n'a jamais été brutalisée ? Encore heureux ? Elle a juste été délaissée, ignorée, mise à l'écart. Bon, trancha Nadine nerveusement, c'était il y a 50 ans, je ne m'en souviens plus. Mais je vais vous rafraîchir la mémoire. Ma mère a été émancipée parce que les Montag voulaient se débarrasser d'elle. Livrée à elle-même, seule à Paris et sans un sou, elle a rencontré un homme du nom de Raoul Coste. Enceinte de lui, elle l'a épousé et a accouché d'une petite fille atteinte du syndrome de Down. Coste en a profité pour la quitter. Elle n'avait aucune ressource, même pas de métier, votre mère ne lui ayant pas permis de faire des études. Alors elle est revenue, sûrement la mort dans l'âme, mais elle n'avait que vous. Elle a dû croire que vous ne seriez pas assez monstrueux pour la rejeter une fois de plus. Pourtant vous l'avez fait. Vous, vos frères, votre mère. Aucun de vous quatre ne lui a tendu la main. Elle n'avait même pas de quoi nourrir son bébé. Elle était aux abois. Nadine haussa les épaules, retenant de justesse une réflexion cynique sur cette histoire de Cendrillon. Malheureusement, Pascal n'inventait rien. Décidée à la moucher et à la faire taire, elle riposta. À qui la faute ? Camille s'était faite faire un enfant par le premier venu, vous le dites vous-même. Nous n'étions pas responsables de ces frasques. Oh si ! C'était à cause de vous, de votre égoïsme et de votre méchanceté qu'elle se trouvait déracinée et sans recours. À ce moment-là, elle avait 21 ans, et vous n'étiez pas loin de la trentaine, Nadine. Déjà médecin ? Vous aviez prononcé le serment d'Hippocrate, mais vous n'avez pas eu une once de compassion pour votre sœur en perdition, ni pour son enfant qui avait besoin de soins. Nadine se serait volontiers bouché les oreilles. Elle aurait donné n'importe quoi pour arrêter ce flot de paroles. Elle ne voulait pas se souvenir de cette époque, ni de cette horrible Camille qui avait tout gâché. « Le petit trisomique est mort en bas âge, » protesta-t-elle. « Et que je sache, ce n'est pas nous qui l'avons tué. »« Morte ? Oh non ! La petite fille a survécu et vit encore. Ma mère a été obligée de l'abandonner à la DAS. Elle n'avait pas d'autre solution. À cause de vous, toujours !» Ébranlée, Nadine recula d'un pas et s'appuya au mur derrière elle. L'enfant de Camille, vivante ? Elle l'avait aperçue une seule fois, le jour où Camille était venue sonner chez les Montag. Un curieux bébé, sur le sort duquel on n'avait pas envie de s'apitoyer. Camille demandait de l'aide. Oui, mais tout le monde considérait qu'elle avait eu ce qu'elle méritait. Le mari en fuite, un gosse handicapé sur les bras, et elle espérait que les Montag allaient payer les pots cassés. La mère de Nadine avait flanqué Camille et son enfant dehors. « Si vous voulez aller la voir, Nadine, ce n'est pas loin d'ici. L'établissement se trouve à la sortie de Castres. « Pourquoi irais-je » s'écria-t-elle d'une voix trop aiguë. Le regard sombre de Pascal la vrillait. Exactement les yeux de Camille, même forme, même couleur. « Ce n'est pas à moi qu'elle s'est adressée. Je n'ai rien à me reprocher » affirma-t-elle plus bas. « Pourtant, vous deviez vous sentir assez coupable pour ne pas oser me révéler qui vous êtes. Vous vous en êtes bien gardée. Pour ne pas faire d'histoire, ne pas provoquer ce déballage inutile que vous m'imposez ce soir. » « Si c'est du linge sale, on peut le laver ensemble. Je vous rappelle que nous sommes de la même famille, que ça vous plaise ou non. » Nadine essayait de résister encore, mais elle commençait à éprouver un véritable malaise. Tout ce récit sordide la ramenait trop loin en arrière. Elle ne voulait pas se souvenir. « Il n'y a qu'un point sur lequel nous sommes sûrement d'accord. » poursuivit impitoyablement Pascal. « Mon grand-père, le fameux Abel Montague, l'officier pénétré d'un si grand sens du devoir, n'aurait jamais dû ramener ma mère en France. Même la plus misérable des existences au Vietnam aurait été moins dure pour elle que ce que vous lui avez fait subir. S'appeler Montague, vous avoir pour famille, était bien le pire qui pouvait lui arriver. Au bout du compte, vous l'avez détruite. Elle est morte neurasthénique. Voilà ce que je tenais à vous dire. Réjouissez-vous si vous voulez. Bonsoir, Nadine. Pascal se détourna brusquement et s'éloigna de sa démarche décidée. Quelle violence sous-jacente chez cette femme. Et ses propos vindicatifs chargés de haine. Nadine laissa échapper un long soupir. Avait-elle retenu son souffle? Elle éprouvait un peu de difficulté à respirer. Lentement, elle desserra ses doigts moites cramponnés à la bandoulière de son sac. Elle ne devait pas rester là, plantée toute seule devant ce mur. N'importe qui pouvait la voir et se poser des questions. Telle une somnambule, elle marcha jusqu'à l'emplacement où était garée sa voiture. Une fois affalée sur le siège conducteur, elle ne mit pas tout de suite le contact, profondément perturbée par la scène qu'elle venait de subir. Durant de nombreuses années, elle avait réussi à occulter tout ce qui concernait Camille, en particulier l'épisode de son retour à Toulouse, et cette punaise de Pascal l'obligeait soudain à s'en rappeler dans les moindres détails. C'était arrivé un jour gris de novembre. Il n'y avait eu que quelques minutes d'entretien sur le pas de la porte entre la mère de Nadine et Camille. Une fin de non-recevoir, prononcée sans état d'âme, ratifiée par Nadine elle-même qui, oui, était tout jeune médecin à l'époque. Pourquoi aurait-elle dû secourir Camille qu'elle détestait ? Camille qui lui avait volé l'affection de son père, qui avait fait de sa mère une femme aigrie. Camille l'usurpatrice, la face de citron. Un hoquet secoua Nadine. Malgré sa dureté de caractère, le contact permanent avec des malades l'avait humanisée au fil du temps. Elle n'était plus la même qu'à 30 ans. Aujourd'hui, si Camille sonnait de nouveau, un bébé handicapé dans les bras, sans doute piquerait-elle une de ses colères légendaires, mais elle ne lui fermerait pas la porte au nez. Malheureusement, elle ne pouvait pas revenir en arrière pour réécrire l'histoire. Elle avait cru en toute bonne foi l'enfant décédé peu après. Ensuite, elle avait appris le second mariage de Camille avec Henri Fontanelle, un médecin d'Albi, ce qui réglait la situation et effaçait d'éventuels remords. Remords dont la dernière trace avait disparu avec le camouflet infligé par Camille lors de la succession. L'imbécile renonçait à sa part d'héritage uniquement pour ne pas rencontrer Nadine et ses frères. La nausée s'intensifiait et Nadine fouilla dans son sac en quête d'un comprimé de Primpéran. Bon sang, elle n'allait tout de même pas être malade dans la cour de l'hôpital. Et pourquoi se torturait-elle de la sorte ? Elle ne devait plus penser à tout ça, jamais. Pascal avait craché son venin, elle ne reviendrait pas, n'en parlerait plus. Au moment où elle se décidait enfin à tendre la main vers la clé de contact, elle suspendit son geste. À la sortie de Castres. Qu'existait-il comme établissement spécialisé du côté de Castres ? Ce serait facile à savoir, et peut-être le meilleur moyen de se débarrasser de toute cette vilaine histoire était-il d'aller voir sur place. Mais tu es folle, ma parole ! Voir quoi ? Personne n'y pouvait rien, la petite était née trisomique, il n'y avait pas d'autre responsable que le destin. Sauf que les enfants atteints du syndrome de Down avaient besoin de beaucoup d'affection. Et ce n'était pas en devenant pupille de la nation. Comment Camille avait-elle pu s'y résoudre ? Elle était démunie à ce point-là ? Elle, oui, mais pas les Montague. Abel ayant laissé une coquette fortune derrière lui. À l'évidence, ils auraient pu faire quelque chose. C'est terrible. Nadine ne savait plus exactement où se situait le pire, entre la visite de Pascal, les souvenirs indésirables et sa propre culpabilité qui la prenait soudain à la gorge. Elle démarra sur les chapeaux de roue, comme si elle avait le diable à ses trousses.